Madina guada même bagal même bitan yo c'est me assez. Madina et guada c'est même bagay même bitan. Bagay même bitan, même bagay même bitan. Madina et guada c'est même bagay même bitan. Bagay même bitan, même bagay même bitan. Madinina et Guada, même bagaille, même bitin. Il faut stopper la guerre entre nous, il faut qu'on se donne la main. Mieux vaut qu'on soit unis pour avancer sur ce chemin. Il faut que nos enfants connaissent un meilleur lendemain. En Guada, faut arrêter de faire la guerre aux Haïtiens. Madinina, arrêter de faire la guerre aux Saint-Luciens. Les Martiniquais ont le même sang que les Guadeloupéens. Hein. Si t'es fier d'être black man, chante ce refrain. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bitin. Bagaille, même bitin. Même bagay, même bita. Madinina et Guada, c'est même bagay, même bita. Bagay, même bita. Même bagay, même bita. Sometimes it's hot, en français parfois c'est chaud. Lève ta main très haut si tu viens du ghetto. La traîne elle boit ça, ce sont les mêmes ghettos. Olga carénage, la queue des négros. Si tu testes le secteur, j'ai ils te montrent leur gros. Big up à tous mes sos, big up à tous mes gros. Guada Madinina, on était tous sur le même bateau. Fait qu'ils savent que nous fiers d'être négros. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bite. Bagaille, même bite, même bagaille, même bite. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bite. Bagaille, même bite, même bagaille, même bite. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Mais aux yeux du blanc raciste, nous sommes tous les mêmes. Faites yo savent que je suis présent et ready pour la guérilla. Faut que tous les black man retournent en Afrique again. No. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Mais aux yeux du blanc raciste, nous sommes tous les mêmes. Faites yo savent que je suis présent et ready pour la guérilla. Faut que tous les black man retournent en Afrique again. Si t'es fier de venir de Madinina, dis. Si t'es fier de venir de Guada, il faut dire. Si t'es fier de venir de Guyane, il faut dire. Tous les black man avec moi. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bita. Bagaille, même bita. Même bagaille, même bita. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bita. Bagaille, même bita. Même bagaille, même bita. Madinina et Guada, c'est même bagaille, même bita. Bagaille, même bita. Même bagaille, même bita. Madinina et Guada, c'est même.